écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio communautaire à Ottawa, au CHU 89.1 FM, Yellowknife CVR 103.5 FM et Iqaluit CFRT CFRET 107.3 FM. Je m'appelle Mathieu, je vais être avec vous pendant 60 minutes. Je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. Et cette semaine, j'ai rien de spécial de planifié pour cette semaine, mais c'est une semaine spéciale, c'est une émission spéciale parce que c'est la 300e émission de Sous Pression. Alors, ça fait 300 heures de radio que je prépare pour vous, de musique que je prépare pour vous, et que je fais ça depuis plus de 5 ans maintenant, et c'est toujours un plaisir à le faire. Alors, je vais faire assez préparer une bonne émission pour vous. Une excellente émission pour fêter la 300e émission de Sous Pression. Alors, je continue avec les 3-8 de le groupe de Grenoble qui sera en tournée au Québec et en Ontario, dans le sud de l'Ontario, plus tard au mois de juillet. Je vais faire jouer le morceau Jeunesse Fichier de leur split avec le groupe Les Partisans qui est sorti le mois passé. Très bon split par deux excellents groupes. J'ai vraiment hâte d'aller voir les 3-8 en concert, mais entre-temps, il va falloir que je me contente à les écouter en musique, version électronique et enregistrée. Alors voici les 3-8 avec leur morceau Jeunesse Fichier à Sous Pression. We'll be right back.

C'était La Cavale avec Pour qu'ils ou elles se connaissent. C'est Dur Cœur avant ça avec J'en ai vu assez. Ayoka avec Yes Future. On a commencé le bloc avec les 3-8, le morceau Jeunesse fichée. On continue avec Menard du Fortune Cookie Club de l'album L'Autre. Voici Le Chemin Chambly Menarome. Some Vous êtes toujours à l'écoute de Sous-Pression. On vient d'écouter Défaite de leur album Post-Humain. C'était le morceau Secte. Jeunesse Apatride avant ça avec Silence de mort de l'album Jusqu'au bout. Gerbia avec Ferme ta gueule. Joke avec Un aller simple de leur album du même titre. Et on a commencé le bloc avec du Fortune Cookie Club, le morceau Le chemin Chambly mène à Rome. Alors, mi-chemin de l'émission, là, si vous écoutez pas déjà à partir du site web, si vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com. Vous pouvez écouter, réécouter et même télécharger les émissions à partir du site web à chaque semaine, ainsi que voir la liste des chansons. Si on a une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors si vous êtes sur Facebook, allez aimer l'émission et vous venir à jour avec tout ce qui se passe dans le merveilleux monde de sous-pression et du punk francophone. Et bien sûr, si vous voulez me contacter plus directement, vous pouvez m'envoyer un message courriel, c'est info@sous-pressionpunk.com, info@sous-pressionpunk.com. Envoyez-moi des demandes spéciales, commentaires, plaintes, partagez de la musique, ou bien si vous voulez juste me dire bonjour, allez-y fort. Et c'est ça, là, continue avec du le bloc solo mondial, le moment de l'émission où je fais jouer des chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Et un peu question de connaître le punk à l'extérieur du monde anglophone et du monde francophone. Cette semaine, je vais jouer un groupe italien. Le nom, aucune idée comment prononcer ça. C'est 5MDR. Je vais jouer deux chansons de l'album La Prospettiva del Conflitto. Je vais jouer les morceaux Forma di Vita et In Pezzi. Alors voici du 5MDR à sous pression. We'll be right back. C'était 5MDR de l'album La Prospettiva del Conflitto, le morceau Forme di Vita et In Petsi. Voici du Riot Porn avec le goût d'une matraque ici à Sous Pression. Let's go. Yeah. c'était Impact avec Immert, Syndrome 81 avant ça, avec A Feu et à Sang de leur album Des Arts Urbains, Scott and Panic People avec Pour nos frères, du Scrap avec Scrap, Accent Sédition et avec le morceau Histoire d'un printemps, Traître avec Un pays à détruire, avant ça on écoutait du Tue la mort avec La route est longue et on a commencé le bloc avec du Riot Porn, le morceau Le goût d'une matraque. Alors je vous laisse avec un dernier morceau, le morceau de Zone infinie, le morceau s'appelle L'éternel retour. Alors c'était ça, 300e émission. Si vous avez écouté l'émission Sous pression depuis le début, tout début en 2010, vous avez officiellement écouté pendant 300 heures. Je suis désolé, vous avez mes condoléances. Mais j'espère que vous allez continuer à écouter pendant les 300 prochaines émissions. Merci d'avoir écouté pendant les 300 dernières. Même si c'est la première fois que vous écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse avec un dernier morceau. Comme je dis, on est fini. L'éternel retour. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la 301e émission de Sous pression. Ce sont encore craqués.